Chapitre 34e. Les caves de la Banque de France. Zigomar devait maintenant comprendre que Paulin Broquet abandonnait la poursuite purement légale. Il changeait sa manière et répondait coup pour coup. À l'incendie des autos embouties sur le pont au change, allumé par l'Américain Will Wilson, sous l'allure d'un vieux savon, incendie qui devait tout bonnement brûler vif la Morse et Gabriel, la réponse venait d'être donnée par Paulin Broquet. Les lieutenants de Paulin Broquet étaient sains et saufs, mais le détective répliquait en faisant brûler un des meilleurs, des plus précieux auxiliaires de Zigomar, par l'appareil imaginé et préparé par le maître lui-même. « Cette fois, dit le détective à ses hommes, je doute fort qu'on puisse rire de Paulin Broquet. » Mais en même temps, en lui-même, il se demandait, non sans angoisse, « Quelle sera maintenant la vengeance de Zigomar ?» Pendant quelques jours, tout fut calme, comme après l'orage ou avant la tempête. Toutefois, Paulin Broquet et ses hommes ne se reposaient pas. Ils continuaient leur enquête et surveillaient toujours ceux contre qui ils luttaient, protégeaient ceux pour qui ils luttaient. Paulin Broquet, entre autres, s'occupait tout spécialement de Madame Garitza. Ses agents de l'étranger lui avaient signalé la fuite de documents et l'arrivée en Allemagne, de pièces concernant le nouveau canon Rimailo et le fameux détonateur, dont l'invention, jusqu'ici tenue jalousement secrète, causa en Europe une profonde émotion. Paulin Broquet se disait que fatalement, sous peu, Zigomar, qui avait fourni ses derniers documents, saurait, quand il en exigerait le paiement, qu'ils étaient de peu de valeur. À ce moment, certainement, il aurait avec Madame Garitza un entretien dont le détective pressentait le caractère tragique. Cependant, Madame Garitza devait arguer de sa bonne foi, prouver qu'elle avait livré les documents que le colonel avait chez lui et démontrer que si ces pièces n'avaient aucune valeur, cela n'était pas de sa faute, qu'il lui était impossible d'en fournir d'autres. Sans doute Zigomar voudrait aller vérifier le fait. Il pourrait voir que Madame Garitza n'avait pas menti et il laisserait la malheureuse femme, qui ne pouvait assurément reconnaître la valeur des documents militaires, poursuivre son roman d'amour avec le colonel. Paulin Broquet se promettait alors, avec le concours du capitaine Malter, non d'ouvrir les yeux du colonel, mais de lui donner le moyen d'assurer la tranquillité de la femme dont il était éperdument épris. Tout cela bien établi, Paulin Broquet put donner une bonne réponse au chef de la sûreté, qui lui demandait, à quelques jours de là, dans la matinée, « Mon cher Broquet, avez-vous 2 heures à me consacrer en dehors de vos affaires courantes ?»« Mais parfaitement, je suis à votre disposition. De quoi s'agit-il ? » La commission d'administration et de surveillance de la Banque de France se réunit ce matin. Pour la vérification des valeurs, répondant à l'émission des billets de banque et justifiant son privilège. Ce n'est, vous vous en doutez bien, qu'une pure et simple formalité, mais le règlement veut que le préfet de police, le chef de la sûreté et leurs principaux auxiliaires y assistent. Si donc vous avez le temps, je vous y emmène. Je vous suis avec plaisir, monsieur le chef. Je ne suis pas fâché de connaître ces fameuses caves, dans lesquelles je n'ai jamais eu l'occasion de pénétrer, que d'ailleurs peu de personnes visitent en dehors des fonctionnaires attitrés. Paulin Broquet avait amené avec lui son lieutenant Gabriel. Après les formalités d'usage qui se passèrent dans le bureau du directeur technique, représentant le gouverneur, présentation des personnes présentes et identification, la petite caravane administrative et officielle se dirigea vers les caves gorgées d'or. Qui n'a dans sa vie fait le rêve de pénétrer dans ces fameuses caves? Qui n'a souhaité en éprouver l'éblouissement? Qui n'a demandé le droit chimérique d'y puiser à son gré, ne fût-ce que pendant 5 minutes? La réalité ne répond guère à l'image que l'on s'en fait généralement. Les caves sont des souterrains voûtés. Les parois sont faites d'énormes pierres de taille qui défient le feu, l'eau et la mine. Des armatures de fer, des poutres d'acier affirment encore la solidité à toute épreuve. Un système de canalisation admirablement compris permet d'envoyer des torrents d'eau à la moindre alerte d'incendie et des masses de sable fin peuvent, en quelques minutes, emplir toutes les galeries et les mettre à l'abri d'un coup de main au hasard des vicissitudes de la politique, de la guerre. L'impression qu'on éprouve en pénétrant dans ces caves est sinistre. C'est celle de la prison, de l'oubliette. L'air y est rare, lourd et un froid tombe sur les épaules, glace les membres. C'est le froid des tombes, des caveaux de cimetière, et ces caisses alignées finissent par ressembler à des cercueils. Est-ce pour justifier le proverbe qui dit qu'un peu d'or donne de la joie, beaucoup d'angoisse? Pour accéder à ces caves tristes, funèbres, à ces cryptes où dorment tant de millions, il faut passer par un dédale de corridors, de couloirs, qui tous sont leurs gardiens responsables. Il faut franchir des portes lourdes serrures à secret, dont les mots sont changés de temps en temps, que deux hommes seulement connaissent, le directeur du personnel, le gardien de chaque porte. Au cours de cette visite, chaque secret fut vérifié, chaque porte ouverte et une pièce justificative signée. La caravane, précédée du gardien-chef, surveillant général, s'avança. Les lampes électriques des plafonds s'allumaient au fur et à mesure que l'on pénétrait dans un couloir, dans une crypte. Des escaliers d'acier mobile se trouvent entre les premières marches de pierre et celles qui reposent sur le sol. Ces escaliers disparaissent en temps ordinaire, un mécanisme dont le surveillant-chef a le secret, les peut seuls remettre en place. Devant le directeur qu'on arrêtait sur la première marche, devant la commission, le surveillant-chef faisait constater l'absence d'escalier, puis il allait, son attestation réglementairement signée, faire mouvoir le mécanisme qui faisait avancer le raccord d'acier et la caravane descendait, pouvait continuer sa route. Elle passa ainsi dans les différents couloirs, circulant entre les caisses de bois cerclées de fer, contenant chacune 1 000 000 en pièces d'or. Les caisses étaient réunies par groupes de 5. Elles portaient chacune un numéro d'ordre et divers cachets de cire, des étiquettes dûment timbrées et datées, qui leur faisaient une façon d'état civil et facilitaient le contrôle. Le règlement voulait qu'au cours de ces visites, de ces reconnaissances, on vérifia les caisses, mais la commission ne pouvait s'astreindre à faire ouvrir toutes les caisses, ce qui eût demandé des mois de travail. On se contentait de vérifier la fermeture, le cerclage, l'estampille et d'apposer de nouveaux cachets. Cependant, on ouvrait au hasard 3 caisses qui, en somme, répondaient pour les autres. « Et on se contente de ça ?» demanda Paulin Broquet à M. Ramard. « Oui. Du moment que ces caisses témoins sont prises au hasard, dans n'importe quelle partie des caves, il serait étonnant que leur témoignage ne fût pas exact. « Pardon, chef, » répondit Paulin Broquet, « je crois au contraire qu'il serait étonnant que le hasard fît tomber le choix sur une caisse pillée. » M. Ramard se mit à rire. « En effet, mais votre supposition est simplement paradoxale, car il est impossible. Rien n'est impossible. Voyons, ici, après toutes ces précautions, avec tant de gardiens, toutes ces serrures, sous ces voûtes, ces cercles de fer, ces caisses. » Paulin Broquet répondit seulement, « En effet, ça ne doit pas être commode, mais l'appât est bien tentant. Ce serait de la folie que de vouloir seulement essayer. » Paulin Broquet ne dit plus rien. Il se contenta de suivre la caravane, portant partout son coup d'œil intéressé. Le directeur désigna au sort la première des 3 caisses qu'on allait ouvrir. Paulin Broquet assista au début de l'opération de cette première vérification. Puis, quand on eut ouvert la caisse, qu'on commença à peser les sacs, comme si cela ne l'intéressait plus, il se sépara de la caravane et se mit, avec son lieutenant Gabriel, à parcourir quelques galeries silencieusement. De temps en temps, il s'arrêtait, consultait une petite boussole, faisait un calcul mental, se tournait vers certains points, semblait vouloir relever la direction, la position de ses couloirs. Tout à coup, il se pencha vers une caisse. Il l'examina avec sa loupe, tourna autour, promena sur elle les rayons de sa petite lampe électrique. Puis, sans rien dire à Gabriel, qui suivait tous ses mouvements avec curiosité, il se releva, abandonna cette caisse, sortit de ce couloir et vint rejoindre la caravane officielle. À ce moment, on commençait à vérifier une seconde caisse. Paulin Broquet, cette fois, sembla trouver grand intérêt à voir peser les sacs pleins d'or dont le poids, invariable, disait la valeur exacte. Il suivit l'opération dans tous ses détails et s'intéressa fort ensuite à voir replacer en bon ordre les sacs, reposer les cadenas qui fermaient l'armature de fer et tourner les vis, les remettre en place, car les caisses étaient non clouées mais vissées. Quand cette opération fut à peu près finie, Paulin Broquet dit à M. Ramard « Pardon, chef, puisqu'on désigne au sort les caisses qui doivent être ouvertes, « voulez-vous demander au directeur de choisir celle que vous lui indiquerez ?»« Pourquoi cela, mon cher Broquet ?»« Simple fantaisie de ma part, pour mieux justifier le hasard, en lui poussant la main. » Le chef de la sûreté, se doutant que ce n'était pas sans raison sérieuse que Paulin Broquet lui demandait cela, fit part au directeur du désir du détective. Le directeur en parla au personnage officiel qui composait la caravane. Tout le monde eut un sourire railleur. Les yeux se tournèrent vers Paulin Broquet avec compassion pour sa manie de tout soupçonner, de vouloir toujours trouver quelque chose d'extraordinaire. « Ici, dans ces caves si bien gardées, visitées officiellement !» parcourue administrativement, fermée réglementairement, surveillée par des gardiens ayant prêté serment, sous le contrôle d'un directeur agréé par le gouvernement.